fait des années qu'il est là et qu'il attend. Sur l'établi bien accroché, il s'ennuie fermement. Comme il a plus rien à taper et plus rien à clouer, il se morfond sur son passé. Il se souvient de l'époque où il martelait, où de grands coups secs il faisait claquer. Il se souvient de l'époque où sur les chantiers, dans sa caisse à outils, il voyageait. La la la, la la la la, la la la la la la, la la la la la, la la la la la la. Il en a pris des coups, par terre on le jetait sur la tête, quelquefois il tombait. Il en a mis des coups, des ratés, des visés, et sur les doigts quelquefois il se vengeait. Aujourd'hui suspendu entre deux clous pointus, il est triste à crever dans ce vieil atelier. Il est triste et il attend à nouveau des jours comme avant. La la la, la la la la, la la la la la la, la la la la la, la la la la la la. Un jour pas comme les autres, on l'a retrouvé par terre, on l'a retrouvé posé dans la poussière, à rester accroché, à rester à rien faire, petit marteau. C'est foutu en l'air, à rester accroché, à rester à rien faire, petit marteau. C'est foutu en l'air. Des années à battre le fer, à travailler. Il en aura passé du temps, passé des années à battre le fer, à travailler.